ville faillat dans la kiff, mes boucs s'entassent. Rien que le spliff m'attaque, je m'arrête au feu rouge quand je vois cette voiture de Schmitt prendre en chasse le petit qui roule sans casse. Je laisse traverser ce type qui court, jeter ses housses dans le bar. En parlant de ça, faut qu'on passe à l'épicerie. Je t'avoue que ça taille, je finis souvent rap, là j'ai pris le sale rythme. Pour être honnête, les soirées sans tis, c'est pas trop dans le thème. On va pas débarquer les mains vides au château quand même. Faut se ravitailler avant de perdre le nord. Avec Nest on trace le Pakistan et prendre une taille de rhum. Puis faut qu'on passe au tabac, j'ai plus que 2 galo camel. Rien que ça me rend malade, je vais payer plus de 9 euros le paquet de 20. Résultat des courses, plus qu'un billet rouge dans la poche. Vas-y Nestor, faut qu'on bouge, viens on retourne à la job. Vers Bosque et je vois encore les stars qui roulent devant la poste. Dans leur viseur, une team de scar, la sape et tout sans la cause. Y'a rien à faire, c'est sûr qu'on va finir grave rap. T'as comme chaque samedi soir, freestyle sauvage organisé par Raptide. C'est au château que ça se passe, ça va me faire du bien de voir les refs. Au pire, on se lâche à vos hédas si on se fait déche par les keufs. On est plus de 35, je mets 15 minutes pour checker tout le monde. Je vois certains anciens qui au début nous traitaient de bouffons. J'entends que la pro tourne en boucle, mais ce gars me raconte ses misères. À la moindre occasion, je bouge en douce pour me rapprocher du cercle. Trop de choses me prennent la tête, faut que je rappe, gros, là je vis trop de paille. J'pars en impro sur une salle proche, la prise au calme. Reste à l'écoute, slash des faces de grosse machine au mic. Après trois vers, j'me crois dans un cypher au Washington Park. J'm'éloigne du cercle et j'vois cette meuf que j'connais sans plus. À l'époque du lycée, souvent j'la croisais dans le bus. Mais ce soir, j'crois bien que l'air garfuse. Sur le banc, j'roule à terre histoire de faire connaissance. Puis, une voiture s'arrête, ça part en contrôle, c'est comment? Comme d'habitude, les cons décassent l'ambiance au mauvais moment. Yeah. Le groupe se disperse, j'ai le seum, la cause est taillée à force. Et en plus j'ai qu'une veste, gros j'ai me cailler à mort. Le DAP t'as une fin de bouteille, il se met tout dans le verre. Room 16 me dit solo, viens on bouge en boîte. Vu que tout le monde est chaud, vas-y je m'en fous en vrai. Heureusement que j'ai coffré le billet rouge sans blague. Le DAP t'as une fin de bouteille, il se met tout dans le verre. Room 16 me dit solo, viens on bouge en boîte. Vu que tout le monde est chaud, vas-y je m'en fous en vrai. Heureusement que j'ai coffré le billet rouge sans blague. Grave en tiens, on a rien fait à part boire. Oh le room c'est un tangouin, on est presque à l'entrée de la boîte. On est que trois boucles, ça passe pas. Mais y'a quatre meufs à droite, fais genre on est avec elles. Au videur il faut qu'on leur fasse croire. Bonsoir monsieur, on peut rentrer, allez-y. Il y voit que tu veux sa part. Flash dans le calque, son j'lâche le baptiseur pour une vodka casse. Ici je suis pas dans mon élément, ça me foutrait le seum qu'on partard. J'aurais dû poser le rouge au grec, là j'ai craqué que des bastards. Je me retrouve dans la foule au milieu de ces gens bastards. Entre des filles en manque d'amour et des queues mais qui regardent mal. Une heure après je me taille, je suis pas d'humeur à boire avant de partir, je tag les quatre murs du coin fumeur de la boîte. Même les meufs m'ont dégoûté, au plus vite je dégage. J'en peux vraiment plus d'écouter vos musiques de pédale. Rien qu'on démarre, arracher sa titube vers la porte de sortie. Puis ça marche vers l'abri bus et encore je trottine, trottise. Je sais pas combien de cheveux flashés dans le cornet. Là je me dis c'est tranquille, 4h du match, j'ai le temps de zone. Et dans cette ville, on ressent plein d'amertume. À 20 ans je connais, à cette heure si les rues sont remplies d'âmes perdues mal intentionnées. Tu me règles, c'est grave, c'est pas trop, je m'adapte, fallait pas que je tisse dehors. Je laisse des flashs, des tacos, va de cap et des flaques de pisse. Rien à dire à part que les crânes se vident. Trop jeune mais déjà cadenassé par le vice. Trop immature, au lieu de ramasser, je claque le bif. Génération parking, challah, c'est pas que te dise. Trop immature, au lieu de ramasser, je claque le bif. Génération parking, challah, c'est pas que te dise. Hein, pourquoi je traîne? J'ai pris froid, rien que je tousse. Je pose mon blaze au fond de cette ruelle toute seule. Le sommet me crève, je crois que je vais me barrer tout seul. À l'heure où le soleil se lève en me disant demain j'arrête tout ça. Pourquoi je traîne? J'ai pris froid, rien que je tousse. Je pose mon blaze au fond de cette ruelle toute sale. Le sommeil me crève, je crois que je vais me barrer tout seul. À l'heure où le soleil se lève en me disant demain j'arrête tout ça. Pourquoi je traîne, j'ai pris froid, rien que je tousse. Je pose mon blaze au fond de cette ruelle toute sale. Le sommeil me crève, je crois que je vais me barrer tout seul. À l'heure où le soleil se lève en me disant demain j'arrête tout ça. Pourquoi je traîne, j'ai pris froid, rien que je tousse. Je pose mon blaze au fond de cette ruelle toute sale. Le sommeil me crève, je crois que je vais me barrer tout seul. À l'heure où le soleil se lève en me disant demain j'arrête tout ça.